Camarade gamer, c'est Creepers. Moussaillon mélomane, c'est Ron. Et bienvenue, ho ho, dans la Beatsbox. Quand on est gamin, il n'y a rien à faire, on est forcément attiré par les pirates. Il faut dire que c'est pratiquement la garantie d'une vie d'aventure. On part sur la mer, on ne sait pas ce qu'on va découvrir, il y a des batailles. Il y a aussi une certaine bonne humeur, hein, puisqu'on pense tout de suite au bar, à la bière, aux chansons. Il y a aussi souvent des princesses, ou en tout cas des belles dames à libérer. Et puis, il y a des trésors. En quelque sorte, les pirates, je sais pas ce que t'en penses, Creepers, mais je crois que c'est juste la liberté. C'est la liberté, surtout, c'est le rhum. C'est le rhum, c'est le goût du risque, c'est la chasse au trésor, c'est la traque de la croix. Le X marque le trésor. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est temps de lever l'ancre, de préparer les voiles et de partir à l'assaut des trésors cachés de Rackham le Rouge et, pourquoi pas, de Willy le Borgne. Un moment par Microsoft, voici Sea of Thieves qui a soufflé le chaud et le froid bien avant sa sortie et même après. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait partie de ces jeux qui sortent et ils se prennent un petit peu tout et rien dans la tronche. Ouais. D'un côté, il y a ceux qui adorent le jeu au point de même d'en oublier les défauts, ils ont raison tant qu'ils s'amusent. Et il y a aussi les gens qui balancent des montagnes de merde, alors parfois sans raison, en tout cas. En ce qui me concerne, je trouve que c'est un petit peu sans raison parce que le jeu, pour moi, ne mérite pas autant de honte et de violence. Et c'était un jeu important, mine de rien, Sea of Thieves pour Microsoft parce que il fallait qu'ils prouvent qu'ils étaient encore capables de faire des vrais jeux first party. Ouais. Parce que ça fait un moment qu'on les attaque. C'est vrai. Sur ce côté-là. Et aussi, de montrer que Rare, c'était pas juste des mecs qui étaient faits pour faire des fringues d'Avatar. C'est ça. Et puis attention, et aussi, c'est la possibilité de sortir quelque chose qui est vraiment nouveau, aussi bien visuellement que dans ce qui est proposé, qu'on aime ou pas, mais au moins on a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et qui a une vraie personnalité, et ça fait du bien. Alors ça fait carrément du bien, et en plus on peut y jouer pour pas cher avec le fameux Game Pass de Microsoft, et en plus si vous n'avez jamais pris de Game Pass, vous avez 15 jours gratuits, chose qu'avait fait Bilou, notre camarade Bilou, qu'on salue parce que je pense qu'il va écouter cette émission, il a plutôt intérêt, et avec qui j'ai passé pas mal de temps, on a fait quelques parties ensemble, et franchement, alors que lui me disait en jouant et en s'amusant qu'il avait plein de réserves, et c'est vrai moi j'ai des réserves aussi sur le jeu, mais qui s'améliorent au fur et à mesure, et je m'amusais parce que on prenait le bateau et on voguait comme ça tous les deux en discutant de tout et de rien, et d'un seul coup, alors qu'on était parti pour faire une mission un petit peu naze, c'est vrai, parce que à la base de récupérer des poules à livrer, etc., d'un seul coup on voit au loin de la lumière avec notre longue vue. J'étais parti tout en haut pendant que lui, il était en train de voguer sur le bateau. Et là, je vois quelque chose au loin et je dis, allez, on y va, on fonce. Et là, bataille navale, les vagues, une tempête, le vent qui s'en mêle. Et c'est parti. Et ça fait partie de ces jeux où tu sais jamais vraiment ce qui peut t'arriver. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça fait partie de toutes les critiques qu'il y a eu. J'ai beaucoup lu et entendu. En fait, c'est pas un vrai jeu, c'est un jeu à anecdotes. Et j'ai envie de dire, et alors ? Bah oui, c'est peut-être un des plus beaux jeux que j'ai vu depuis longtemps, qui livre des ambiances que je trouve assez incroyables et surtout qu'on n'attend pas forcément. C'est ce que tu disais, c'est au détour d'une île. C'est ça. On se retrouve au milieu d'une mer démontée d'un seul coup. Au fond, t'as des jeux de lumière qui sont fantastiques. Enfin, sur One X, en tout cas, c'est d'une beauté. C'est très beau. Ouais. Invraisemblable. Incroyable. Et tu vois, moi, j'ai même pas fait une seule mission. Alors, malheureusement, j'ai pas assez de temps pour y jouer. Mais même avec de parfaits inconnus, on s'est retrouvé à se chamailler avec d'autres bateaux, à passer dessous, à remonter, à se bagarrer, à réussir à essayer de monter une ancre en un temps record en s'y mettant tous en même temps. Enfin, effectivement, des anecdotes. Mais en attendant, de très bons moments passés. Donc moi, Sea of Thieves, je dis oui. Alors moi, je dis oui aussi à la musique, et donc qui est composée par Robin Binland. Alors c'est un vétéran du studio Rare, Robin Binland, puisqu'il a aussi composé des choses pour Killer Instinct, pour GoldenEye. Mmh. Et en plus de ses travaux de compositeur, il fait pas mal de sound design et de travail sur les voix aussi des jeux Rare. Il avait pas mal travaillé avec l'excellent Grunt Kirkhope, qu'on avait déjà diffusé d'ailleurs pendant d'autres Beatsbox, donc c'est quelqu'un qui a vraiment du talent, et là il l'exploite vraiment carrément au niveau de ce qu'il propose sur Sea of Thieves, qui justement reprend les codes des musiques de pirates. Il y a clairement les instruments, les sonorités, les rythmes, etc. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a quelques petites sonorités un peu modernes, comme des gros systèmes de basse pour appuyer un petit peu sur quelques systèmes. Et moi, la musique, surtout celle qu'on a écoutée là au niveau du thème, je la trouve qu'elle est épique, elle monte en puissance pendant au fur et à mesure du morceau. Donc, voilà, exactement. Et ce qui est bien aussi dans la BO vraiment en général du jeu, c'est qu'il travaille aussi sur les ambiances, qu'il y a quand même pas mal de moments de calme et dans le jeu, et ça fait extrêmement bien le job et ça aide vraiment le jeu à son ambiance. Voilà, on a pris le temps de parler de Sea of Thieves et je pense que c'était important pour placer le sujet de l'émission. Et bien sûr, on reste chez les pirates et on va passer avant le 21e siècle. Après Sea of Thieves, après une bonne navigation, moi j'avais envie d'attaquer avec une musique de bar, parce que c'est aussi ça qui est chouette avec les pirates, c'est que ça fait tout de suite penser aux musiques de taverne, aux chants de marins. Et là, ce qu'on vient d'écouter, c'est exactement ça. Hein. Ça vient du jeu Corsair, qui est sorti en 1999. Alors c'était un jeu Microïd. qui s'était un petit peu fait tailler à sa sortie, parce qu'on l'avait comparé au Sid Meier's Pirates, le jeu un peu légendaire dans le genre, et c'est vrai que c'était vraiment dans les mêmes eaux, hein. Il fallait faire un petit peu de commerce, aller d'une île à une autre, quelques petites batailles navales de temps à autre. Et oui, c'est vrai que c'était pas forcément fantastique, même si le jeu est ressorti une deuxième fois dans une version Gold qui améliorait quelques petits soucis. Mais moi je m'en fiche, je l'aimais bien ce jeu, c'était un petit jeu de stratégie en temps réel, plutôt sympa, qui marchait bien et surtout qui bénéficiait d'une chouette ambiance. Et c'est pour ça que je voulais passer un morceau de sa musique qui participait beaucoup à son ambiance, qui retranscrit un peu tout ça. Cette ambiance de pirate qui, après sa mission, va à la taverne et en gros, dépense son trésor dans le rhum. Bah oui. C'est quoi un pirate sans verre de rhum? À un moment, c'est pas un vrai pirate. Voilà, on est parti loin dans le passé, hein, en 99, et si cette fois on allait finalement encore plus loin dans le passé, mais pour parler d'un pirate du futur, je sais pas si vous me suivez. Alors oui, c'était ma sélection, média, puisque cette musique provient d'une série, de la série Albator, la série de 1978, et c'est la musique de bataille, mais seulement pour la version française qui avait ses propres musiques. Et figurez-vous qu'au moment où on enregistre, je suis en train de regarder, là devant moi, le 45 tours du générique d'Albator, et ce que je vous ai passé, c'était la face B du générique, et donc je viens de retourner mon disque, et je vois que à l'arrière du disque, il y avait un Albator qu'on pouvait colorier. D'ailleurs, c'est marqué à colorier. Et comme un abruti de gamin que j'étais, je l'ai colorié atrocement au feutre. Ce qui fait que je pense que je ne pourrais jamais retirer des millions de ce disque comme je pourrais le faire. Oui, mais il est unique. C'était en état. Il est unique. Alors oui, c'est vrai, il est unique. Alors, les musiques d'Albator, elles étaient vraiment super bien. Donc, pour celle-ci, elle est composée par Eric Chardon et par Monsieur Matteoni. Alors que la chanson du générique, Albator, ces paroles incroyables ont été écrites en collaboration avec Didier Barbelivien. Il fallait bien ça. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Ça, c'est la face B d'Albator. Ça, oui, c'est la face C d'Albator. Alors voilà, moi, ce disque, je l'ai poncé, j'adore cette musique, je trouve ça approprié par les pirates, c'est aussi dans l'espace, c'est aussi dans le futur, et je voulais faire un petit clin d'œil à nos copains de 80s le podcast, qui, je suis sûr, apprécieront beaucoup ce morceau. Elles avaient des océans au fond des yeux. Ah merde, je la connais. Après la Japanimation, maintenant, on va revenir aux jeux vidéo, bien sûr, avec un classique des classiques. On ne présente plus la série des Monkey Island, et ici, on va s'intéresser à LeChuck's Revenge, développé par LucasArts, forcément, avec la team toujours de Gilbert, Schaefer et Grossman aux manettes. Et on retrouve toujours dans ce deuxième épisode, Guybrush Threepwood, Helen Marley et donc le fameux pirate fantôme LeChuck, et on va voyager sur une version toute particulière des Caraïbes, encore une fois, dans une ambiance de piraterie plutôt bon enfant. Oui. Voilà, c'est une suite de grande qualité. Alors, Ron a osé me dire une chose dégueulasse. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il a dit, je cite, ouvrez les guillemets, c'est quand même moins bien que le premier. Oh là là, là là, là là, là là, là là, mon Dieu. Ouais. Monsieur, monsieur, monsieur, vous prenez des risques. Je sais, mais moi, je suis un vrai cascadeur. Après, c'est vrai que t'as l'effet de surprise en moins. Le jeu est toujours très très drôle, c'est quand même partie de des rares jeux de l'époque qui étaient vraiment drôles. C'est clair. Le premier, j'ai mort de rire. C'est bien écrit, il y a des bons personnages, c'est vraiment bien campé, et ça fait partie des jeux des point and click où tu peux vraiment te lâcher en termes d'écriture. Et là, c'est vrai que c'était une bouffée d'air frais un petit peu dans ce qu'on avait l'habitude de voir à l'époque. Et le 2, en plus, alors ce qui est bien, c'est qu'il y avait eu les versions remasterisées. D'ailleurs, les musiques qu'on a écoutées, et donc celles qui passent aussi en arrière-fond, font partie justement des versions remasterisées. J'aime mieux comment on dit remasterisées, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est des musiques de très bonne qualité. Il y a trois compositeurs qui ont travaillé étroitement sur ces jeux-là. Donc, il y a Michael Land, Peter McConnell et Clint Badjakian. Et ce qui est marrant, c'est que généralement, quand il y a plusieurs compositeurs, bah, ils vont se donner une musique là à faire, l'autre musique là-haut, bah, c'est que eux, généralement, travaillaient même ensemble sur une seule musique, et se donner bah, différentes parties, justement, pour arriver à quelque chose quand même d'assez intéressant. Moi, ce que j'aime bien dans la musique Captain Dread, alors c'est un petit peu dans le nom aussi, c'est le côté un peu reggae. C'est clair, c'est cool. Elle est vraiment, vraiment très très chouette, cette musique. Et en même temps qu'on a des sonorités un peu reggae, bah, on retombe quand même sur les sonorités habituelles de la série. Donc, on est vraiment toujours dans une cohérence au niveau des morceaux, et le côté reggae est très cool du morceau m'a fait dire, bah tiens, Creeper, c'est peut-être le moment de repasser encore du Monkey Island et de pas forcément uniquement diffuser le thème principal avec des variantes. Donc là, on a écouté Captain Dread et c'était quand même plutôt chouette. Bien joué, Creepers. Merci, Moussaillon. Allez, je garde la parole et on va foncer sur Super Nintendo avec un jeu qui a marqué les joueurs d'une époque. We'll be right back. Alors, on avait déjà passé du Donkey Kong Country, et c'est l'avantage de l'émission, bah, c'est, on fait un peu ce qu'on veut. C'est vrai, c'est quand même bien foutu. Voilà, donc on se fait plaisir, et là, on vient d'écouter Gangplank Galleon, de David Wise, donc forcément aussi un personnage qu'on aime bien diffuser dans la Beatsbox, quelqu'un de vraiment de grand talent. Donc on va pas vous expliquer ce qu'est Donkey Kong, et j'ai déjà dû raconter déjà plein de choses la dernière fois, mais je ne pense pas avoir raconté cette petite anecdote. Donc moi j'étais en primaire, Rhône, eh oui. Oh la vache. Eh oui, 94, le petit Creepers. Moi je crois que j'avais mon premier enfant, moi je crois. Il passait déjà le bac. Donc moi j'étais en primaire et j'avais été mais hypé comme un fou par tout ce qu'on voyait dans des magazines. Alors moi j'étais Team Player One hein, à l'époque, et il y avait plein de photos et on nous parlait du Silicon Graphics, etc. Et de mémoire, avec un Player One, on avait eu une VHS avec un reportage sur comment avait été fabriqué Donkey Kong Country. Donc on voyait ils mettaient le paquet justement sur le Silicon Graphics, sur le fait que c'était des systèmes qui étaient utilisés par le cinéma, par la NASA, ça, je crois. Ouais. Voilà, c'était un truc de dingue, rendu 3D, du coup redessiné, tout le tralala, et moi j'étais, ouais, mais comme un dingue, quoi. Je sautais partout, vivement que je puisse jouer à Donkey Kong Country, et j'ai kiffé, je l'ai fini en quelques jours, je crois, de mémoire, j'ai rejoué plusieurs fois le jeu. Moi, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. Alors effectivement, c'est un jeu qui a quand même ses petits défauts, quand tu vois que du recul par rapport à du Mario, ou des choses comme ça, c'est pas aussi profond au niveau du gameplay. Ouais, c'est pas aussi fluide dans le gameplay. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu plus compliqué, et en revoyant des vidéos justement pour la musique, le boss était quand même bien nul. J'en vois encore ce gros crocodile tout moche faire des petits sauts débiles. Donc c'est vrai que c'était pas, voilà, du niveau des plus grands jeux de plateforme, mais voilà, moi je garde ce jeu dans mon cœur, et par contre on ne pourra pas du tout reprocher ou diminuer la qualité de sa bande son, parce que voilà, ça reste quelque chose de très très bonne qualité. Et donc ce fameux Gangplank Galleon, donc c'était un niveau, on était sur un bateau pirate, donc voilà, c'était un gros crocodile avec une vieille couronne et une vieille cape sur un bateau pirate. Voilà, au niveau cohérence visuelle, c'est un petit peu naze, mais la musique est cool et on reste raccord avec l'univers des pirates. Donc j'ai gagné. Ah non, il n'y a rien à gagner. C'est vrai. Donc merci David Wise pour cette superbe musique, et on va de nouveau aller dans un bar, mais c'est fou ça. Eh bien oui, je vais pas me gêner, comme j'ai dit, moi j'aime bien les musiques de marin, j'aime bien ces ambiances-là, et avec le sujet du jour, je peux m'en donner à cœur joie. Donc, on dirait une excuse quand même. Voilà, alors c'est ça, en fait c'est ça, alors, en fait j'ai voulu qu'on fasse ce sujet juste pour passer des musiques de bar. Oh, c'est ça. Après tout, je suis breton, hein. Il va y avoir un truc dans les gènes qui ressort là de temps en temps. Alors le morceau qu'on vient d'entendre, pour le coup, c'est une musique qui vient de Ryzen 2, et le morceau s'intitule Pirate Bar, donc je crois que là je peux pas, je peux pas être plus raccord. Donc Ryzen, sont des jeux d'aventure, hein, enfin aventure-action. Le premier Ryzen a été reçu assez tièdement, hein, on peut le dire globalement, et avec raison, parce que c'est quand même pas super. Et Ryzen 2, qui lui était plus sur l'univers de la piraterie, a lui aussi été reçu plutôt tièdement, et j'ai envie de dire, c'est à nouveau assez justifié. Ça a pas l'air fou, hein, les Horizon Chronicles, les images, ça fou. A l'air... Voilà, c'est pas fou. Le deuxième est un peu mieux que le premier, mais pas de beaucoup. Malgré tout, j'y ai un petit peu joué quand même. Alors, sans doute grâce à un bac à solde qui m'a permis de l'avoir pour très peu, j'imagine. Mais parce que cette ambiance pirate, bah, elle fait plutôt le job dans le jeu. C'est même à peu près la seule chose qui fonctionne vraiment bien. Ce qui fait que quand on se laisse un petit peu prendre sur ces aspects-là, on oublie les défauts qu'il y a par ailleurs, et il y en a quand même un certain nombre, donc ça demande un petit effort, quoi. Bon, ça n'empêche pas que c'est un jeu, évidemment, dont je suis pas allé au bout, hein, c'était juste histoire de voir à quoi ça ressemblait. Voilà, quoi, ça a du coup, ouais. Ça a l'air bien, hein. Ouais, je ne serai pas VRP des Ryzen, ça va être un peu compliqué. Par contre, dans le jeu, la musique, il s'avère qu'elle est pas mal du tout. Elle est l'œuvre de Bastian Silbach, hein, qui est un type qui bosse chez Guerrilla Games, qui pour Ryzen a fait un boulot qui finalement n'est pas vraiment original, hein. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait trouver comme des bandes son classiques de films, mais ça a l'avantage d'être propre et d'être traversé par quelques morceaux qui ressortent bien, qui ont pas mal de relief, comme celui qu'on a passé, hein, le Pirate Bar, qui colle très très bien avec l'ambiance qu'il veut représenter. Donc finalement, c'est un petit peu ce qu'on demande à une musique de jeu vidéo, donc j'ai envie de dire, pas mal Bastian, t'as bien travaillé. Bon, on va pas non plus rester au bar toute la journée, donc je propose qu'on aille faire un petit tour dans un jeu qui résonne un petit peu 16 bits. Mais c'est qu'il est très chouette ce petit jeu, c'est Shantae and the Pirate Curse. Donc Pirate Curse, décidément, qu'est-ce que je peux être d'accord avec le sujet, c'est quand même assez incroyable. Bravo, tu tapes dans le mille à chaque fois. C'est quand même fou. Alors donc là on a un titre qui est juste blindé d'action, hein, et qui réussit parfaitement à retranscrire ce qu'on aimait dans les jeux de plateforme 16 bits, période Mega Drive, un tout petit peu Super Nintendo. Et ouais, t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut après pour défendre cette pauvre console. Et ouais, c'est un jeu sur lequel je me suis bien marré, ce Shantae. Alors je sais qu'il y en a eu plusieurs qui sont inégaux, mais en tout cas cet épisode-là, je l'ai trouvé franchement réussi. Et voilà, je suis allé au bout, c'est hyper coloré, c'est hyper dynamique, hyper péchu, et la musique y est pour beaucoup. C'est Jack Kaufman qui s'en occupe, donc voilà encore quelqu'un dont nous avions déjà parlé dans une émission précédente, je crois qu'on en avait parlé pour Crypt of the Necro Dancer, si je me trompe pas. Alors ce Jack Kaufman, il n'a pas que des chefs-d'œuvre à son actif, hein. On sent quand on regarde sa discographie jeux vidéo que parfois il faut manger. Ouais, c'est ça que j'aime bien, j'avais bien aimé son travail notamment sur le remake de Double Dragon. Alors, et c'est ce que j'allais dire, c'est que ouais. En fait, sur sa discographie, il y a des choses qui... En fait, dont personne ne se souvient, quoi, qu'on note ni positivement ni négativement, et puis il y a des fulgurances qui ressortent. Crypt of the Necrodancer, c'en est une. Double Dragon Néon, je suis d'accord, c'en est une aussi. Et figure-toi que ce Shantae on the Pirate Curse est une très bonne OST. Il y a beaucoup de morceaux de qualité et qui réussissent ce qui parfois est un peu loupé dans cette mode du rétro gaming où on veut aller faire absolument des musiques 8 bits ou des musiques 16 bits. Et on oublie qu'on n'est plus à la même période et que même si on veut trouver ce feeling, on a besoin d'une vraie orchestration et quelque chose de propre aujourd'hui pour que ça passe. Et là, Jack Kaufman réussit très bien ce mélange, donc de faire à la fois une musique moderne et terriblement 16 bits. Et là, par contre, je le dis, franchement, c'est terriblement Mega Drive plus que Super Nintendo. Ah merde. Parce qu'on a avec des sons, on a avec des sons qui sont plus dynamiques, qui n'ont pas la rondeur de la Super Nintendo. Donc voilà, c'est très réussi, c'est vraiment une chouette BO. Donc je vous conseille de poser une oreille dessus. Il y a énormément de morceaux dedans, hein, donc en plus c'est très généreux. Et puis voilà, Shantae on the Pirate Curse, et ben c'est bien sympa, vous pouvez y jouer. Et puis allez sur le Bandcamp de Jack Kaufman, vous verrez, il y a pas mal de petits trucs sympas. Absolument, il y a pas mal de choses très cool. Bon, j'ai pas mal parlé de Mega Drive, je sais que quand je fais ça, ça titille Creepers qui toujours dit hey, ma Super Nintendo, et ben voilà, on y va, c'est parti pour un jeu qui est sur Super Nintendo. Quel jeu ? D'écouter une musique de Goof Troop. Ah oui, quand même. Eh oui. Et lui, la barre est super haut au niveau de la suite. Mais moi, j'aime bien Goof Troop. C'était en 93, encore une fois, parce que c'était même un an avant Donkey Kong Country. Donc il y a un fossé technique. Il y a quand même un gap entre les deux. Ouais, mais voilà, au moins, on dit, tiens, en un an, ils ont dit, allez, on va remettre un petit coup de collier pour impressionner tout le monde. C'est pas la Mega Drive qui pourrait faire quand même un truc comme Donkey Kong Country. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus classique. Et donc la musique. Bah, c'est pas la Mega Drive qui fera un truc comme Goof Troop non plus. Mais la guerre va être relancée parce que j'ai deux trois petits trucs à dire. Voilà, ferme-la un petit peu. Donc on a écouté une musique de Yuki Iwai qui a bossé sur beaucoup de jeux Capcom. Et même cette compositrice est surtout connue pour son taf sur les Mega Man et sur les jeux de baston de la firme. Bah, elle a aussi travaillé sur la meilleure version d'Aladdin. Et oui, sur la. Vous me voyez venir à des kilomètres. Ah, putain, donc sur la version Super Nintendo. Et voilà comment l'émission bascule sur un sujet science-fiction finalement. Ou monde parallèle. Mais bon, Ron, nous ne sommes pas là pour relancer de vieilles querelles, de vieilles batailles. Nous sommes là pour parler d'un grand jeu de Goof Troop. Parce qu'il y a des pirates dans Goof Troop. Parce que là, il dit mais qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qui se passe, c'est Dingo et Max. Oui, non, oui. Voilà, je vais y arriver. Et donc dans ce jeu de Shinji Mikami, voilà, c'est un des premiers jeux de Shinji Mikami, le papa de Resident Evil, eh bien Dingo et Max doivent essayer de sauver Patibulaire et son fils qui ont été enlevés par des pirates. Voilà. Le jeu a parfaitement sa place dans cette thématique. Et moi cette musique je la trouve plutôt rigolo. Et Goof Troop, bah, comme je l'ai découvert vraiment très jeune, c'était un jeu de casse-tête où on pouvait jouer en plus en coopération, il fallait déplacer des blocs, utiliser des grappins pour essayer d'éliminer les ennemis. Et ben moi j'ai plutôt un bon souvenir de ce jeu-là, je trouve la bande son plutôt sympathique et on retrouve vraiment les sonorités hein, qu'on pouvait avoir justement dans la version Super NES d'Aladdin, qui est vraiment un excellent jeu, je vous le rappelle. C'était voilà, c'est toujours bon de le rappeler et je n'ai pas juste choisi Goof Troop que pour parler de ça, hein, vous l'aurez bien sûr compris, mais voilà, Goof Troop c'était plutôt mignon, c'était très coloré, ça rappelle un petit peu l'époque justement où Capcom faisait vraiment des bons jeux basés sur les personnages de Disney. Je pense au jeu Mickey hein, moi j'avais beaucoup aimé Mickey The Magical Quest. Donc il y a pas mal de jeux Disney comme tous ceux qui avaient pas de Mega Drive. Voilà. pour les pauvres jeunes comme moi qui étaient obligés de jouer à Aladdin sur Super Nintendo. Je le défendrai toujours. Moi, j'aime beaucoup Aladdin sur Super Nintendo. Je le trouve vraiment chouette. Donc voilà. Bref, on a écouté Goof Troop et je vais continuer de parler encore parce qu'on va passer à ma sélection film qui était un véritable naufrage. Je sais pas si tu connais ce dicton. Quand t'as coûté presque 140 patates, t'as pas intérêt à en rapporter moins de 15. Et ça, Rémi Harlin, bah, il l'a un peu appris à ses dépens au moment où a débarqué en salle son film L'île aux pirates. Et ce qui est un peu un drame pour Rémi Harlin, c'est que lui qui aime bien faire péter des hélicoptères, bah, il s'est peut-être dit que c'était pas raccord justement à l'époque où se passe son film L'île aux pirates. Et du coup, mais il a fait péter des trucs dans le film quand même. Ah, il fait péter plein de trucs. Le budget, déjà. Déjà. Il a fait péter le budget. Et alors pour l'anecdote, voilà, hein, vous l'aurez compris, le film a coûté extrêmement cher. Il y a eu plein de dépassements de budget. Il y a pas mal de petits trucs qui se racontent comme quoi Rémi, qui sortait justement de gros succès comme Cliffhanger, bah, il faisait un peu péter le champagne avec sa femme Gina Davis. Ah, mais c'était sa femme. Ouais. Avec sa femme de l'époque, Gina Davis, hein, il semblerait qu'il se faisait livrer des petites caisses de champagne en chambre comme ça pendant le tournage et que ça coûtait une fortune. Donc le film a coûté très très cher. Et quand il est sorti, bah patatras quoi. Donc alors il y a plusieurs trucs qui seraient aussi en rapport au fait que ça soit vraiment écroulé. Carolco est en faillite, ça a coûté vraiment énormément d'argent et ça a rapporté que dalle. C'était plus vraiment la mode des films de pirates. C'est revenu beaucoup plus tard avec les Pirates des Caraïbes. C'est arrivé soit trop tard, soit trop tôt. Voilà. Donc il y avait encore quelques films de pirates à l'époque qui marchaient, mais il y avait eu quand même 2-3 trucs. Alors je sais plus si Waterworld était sorti avant, mais les films qui se passent dans l'eau, voilà, c'est un petit peu compliqué hein, à Hollywood. Mais en tout cas, moi j'ai un bon souvenir de L'île aux pirates parce que c'était fait un petit peu défoncer. J'ai fait quelques recherches quand même dessus et à l'époque c'était un petit peu fait défoncer par la presse. Mais moi j'ai un bon souvenir d'un film qui était quand même assez énergique avec de très très belles scènes justement de pirates, d'abordage, d'action, des combats à l'épée, etc. Les bateaux étaient super cool. Ah bah c'était vraiment très très beau. Hein. Vraiment très très beau. Il y avait du moyen en tout cas et ça se voyait à l'écran. Mais bon voilà, c'est un film qui a fait un bide, mais c'est dommage parce que donc il y avait non seulement un très beau casting, c'était plutôt bien réalisé, pourtant Rémi Harlin a été nommé aux Razzie Awards, comme quoi les mecs sont toujours au raccord, hein, c'est les mecs, c'est quand il faut tirer sur l'ambulance, il y a aucun problème. Et il a été nommé pire réalisateur cette année-là, mais moi j'aime plutôt bien le film, et en plus la BO est vraiment chouette, elle est composée par John Debney, et au niveau musique de pirate, hyper énergique, symphonique, épique, moi je trouve que ça fait extrêmement bien le job, et vous en avez eu la preuve avec ce qu'on a écouté à l'instant. Bon, je vais redonner la parole à Ron, et c'est plutôt sympa, il n'y a pas de barre cette fois dans sa prochaine musique. Alors tu as raison, Creepers, il n'y a pas de barre dans cette musique, mais malgré tout, c'est la musique d'un port. Hein, donc on peut imaginer que dans le port, il y a des marins qui chantent, bien sûr, et il y a des barres. Donc là, ce petit son, cette chouette musique vient de Wild Arms 4. Alors j'ai déjà diffusé du Wild Arms parce que je le confesse sans peine, j'adore les OST de ces jeux. Et il s'avère que ce quatrième épisode de Wild Arms, c'est un épisode important pour moi, parce que c'est le premier épisode où je me suis dit, je vais arrêter de m'infliger à jouer à cette série de jeux, parce que c'est quand même des jeux de rôle pas terribles, faut bien le reconnaître. Donc tu vas juste écouter les musiques à part. Je vais juste écouter les musiques à part, et en fait ça fera très bien le job, donc c'est ce que j'ai fait sur Wild Arms 4, et la musique est super bien. Alors, si ça se trouve, ce quatrième épisode, oh miracle, est vachement bien, j'en sais rien. Ça serait dommage, quoi. Ça ressemble beaucoup aux autres, donc je j'y crois pas trop, parce que du coup, je n'y ai pas joué, mais par contre, les musiques, vraiment, elles sont chouettes, et celle que j'ai diffusée, c'est marrant, parce que c'est une musique qui m'avait pas spécialement marqué en première intention, et il s'avère qu'elle m'est vraiment restée dans la tête, et quand on a préparé l'émission, je papillonnais un petit peu sur ce que j'allais passer, et celle-ci, il a vraiment fallu deux petites notes, et j'ai réalisé qu'elle était vraiment bien ancrée dans ma mémoire, et ça en général c'est un signe qui ne trompe pas. Quoi qu'en disant ça, c'est vrai qu'on se rappelle aussi de chansons à la con des fois. À toutes les filles que j'ai. Par exemple, merci de rebondir avec autant d'efficacité. Mais bon, en général c'est quand même bon signe, donc du Wild Arms ça fait toujours du bien d'en écouter. Mon conseil du jour ce sera ça, les Wild Arms c'est des jeux de rôle vraiment pas extraordinaire, il y a tous les poncifs des JRPG, c'est plutôt médiocre. Par contre, les OST sont vachement bien, donc perdez pas de temps avec les jeux, mais par contre, écoutez les musiques. Wild Arms, le jeu qui s'écoute. Allez, on va passer à autre chose, on était à nouveau dans quelque chose de dans le pirate classique, cette fois-ci partons du côté du pirate informatique. Et oui, après tout, quand on est pirate, on peut aussi être un pirate sur le net, sur les programmes, on peut infiltrer les caméras, on peut infiltrer le... J'en sais rien, moi, le FBI. Ah, dans quoi il sort, peut-être... Vous savez, dans tous les jeux... Les feux rouges. C'est ça, les feux rouges. Dans tous les jeux du monde maintenant, pratiquement, où on peut tout faire, il y a de l'infiltration. Moi, ça m'a toujours cassé les pieds, ce truc-là. Il y a ça dans Bioshock, dans machin, c'est toujours une plaie. Mais... Chez Ubisoft, on n'a pas peur, on s'est dit on va faire un jeu basé uniquement là-dessus, et c'est comme ça qu'est arrivé Watch Dogs. Alors, c'est un jeu auquel je n'ai pas joué, donc je suis très à l'aise pour en parler. Je n'y ai pas joué parce que c'est les jeux en open world où on peut faire un peu tout et n'importe quoi, je vais être tout à fait honnête, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Moi j'y ai joué. Toi t'y as joué ? Ouais. Parce que, paradoxalement, je trouve que le concept est plutôt cool. Ouais, mais le jeu il est... Voilà, bon, ok, d'accord, donc j'ai peut-être bien fait de m'abstenir. Ah non, déception, en plus c'était un jeu qui était couvert de hype avec la démo technique, downgradé, donc voilà, c'était un peu une époque compliquée où Ubisoft, dès qu'ils montraient un truc, après, bah, ils étaient un petit peu attendus au tournant, il y a eu 2K, il y a eu ça, et puis The Division. C'est que Watch Dogs, c'était un petit peu la douche froide quand on a revu le truc technique, mais en plus... Voilà, le héros, il a le charisme d'une moule, l'histoire est pas super intéressante, enfin voilà, c'est très gris, enfin voilà, moi je me suis pas beaucoup amusé, le jeu n'est pas nul, c'est pas une catastrophe non plus, mais il y avait des promesses, mais c'était relativement chiant, enfin voilà, moi j'ai pas vraiment accroché à Watch Dogs. Bon bah ça me conforte, hein, j'ai bien fait de pas y jouer, hein. Alors déjà je viens de faire Wild Arms 4, j'y ai pas joué, Watch Dogs j'y ai pas joué, voilà, la Beatsbox c'est l'émission dont on passe des musiques des jeux où on n'a pas joué. En tout cas aujourd'hui pour cela, parce que sur Watch Dogs par contre je trouve que la musique elle est vraiment sympa, donc c'est l'œuvre de Brian Redzel, en tout cas pour ce morceau là, parce que je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur la musique, et on est sur quelque chose qui assez naturellement est un peu ambiante, je dirais, c'est très électro et c'est pas mal layback même. Ah, c'est le moment layback. C'est ouais, je vais peut-être même en avoir un ou deux moments, les bacs. Je vais peut-être m'en réserver un autre plus tard. Mais je trouve que c'est plutôt agréable à écouter. Et la BO de Watch Dogs, ça m'arrive de l'écouter pendant que je travaille, par exemple. Je mets ça un petit peu en fond. Je trouve ça plutôt cool, plutôt agréable. Voilà, ça passe bien. Donc, c'était raccord avec le sujet. Ça change un petit peu des musiques de bar. Voilà, Watch Dogs, ça fait le job, en tout cas pour l'OST. Pour la suivante, on va maintenant prendre un petit peu de hauteur avec la sélection de Creepers. Crimson Skies est sorti en 2003 et pourtant je n'y ai joué qu'en 2018. Et ouais, moi je suis vraiment au maximum de la hype en ce qui concerne le jeu vidéo et merci la rétrocompatibilité Xbox One. Et franchement, il a bien vieilli le bougre, je le trouve encore hyper agréable à prendre en main, plutôt mignon. Parce que techniquement, ouais, franchement, ouais, ça passe encore très très bien. Mmh. Et on se le disait là avec Rhône, ça manque un petit peu de jeu de dogfight comme ça à la Crimson Skies. Alors moi, je vais pas réclamer de remake parce que voilà, il est un peu contre tout ce qui est nouveau, Rhône. Hein, voilà, vous le savez, c'est un mec, il est là, il joue que des remakes, des choses comme ça. Non non, Crimson. On voudrait un, mais un vrai jeu de dogfight comme ça. En plus, ce qui était bien, c'est que c'était un année 30 alternatif, qui est plutôt bien rendu. Moi, j'aime bien l'univers du jeu. Et ce qui est intéressant avec, donc on est vraiment sur des espèces d'avions un petit peu néo-rétro, et ça fait plutôt bien son effet, je trouve, en termes de mise en scène, de technique. Il y a le pilote un petit peu, il a un côté grande gueule un peu, la Han Solo. Beaucoup de punchlines pendant le vol ou pendant les cinématiques. Alors les cinématiques par contre quand même un petit peu vieillies, faut quand même le dire, mais bon, le jeu est quand même assez vieux. Mais en tout cas, en termes de prise en main, en termes de plaisir de jeu et de vol, ouais, et puis ça marche sur le level design, hein, ouais. C'était vraiment chouette. Hein, y avait, moi, j'y ai joué à sa sortie, donc j'y ai joué en ligne essentiellement. Et c'est vrai que c'était idéal pour jouer. Alors moi, qui suis pas très bon, je m'y amusais quand même beaucoup parce que y a toujours pas mal de relief où tu peux zigzaguer entre. Tu vois, tout de suite, c'est assez grisant. En fait, ouais, puis pendant assez rapidement. Pendant les dogfights, tu pouvais passer dans des espèces de tunnels aussi. C'est ça, exactement. Il y a un petit côté open world quand même. Les mondes étaient quand même relativement grands. C'est pas du tout un jeu où tu vas faire d'un point A à un point B sur un niveau vraiment fermé. C'est quand même relativement grand et vraiment, comme tu dis, le level design est assez bien travaillé. Et il y a un vrai, c'est grisant. Quand tu pilotes, vraiment, il y a pas mal de petits mouvements que tu peux faire avec ton avion, des manipulations. Ça marche vraiment bien. Et donc, c'est un jeu qui mérite d'être joué. Donc, qui justement, si vous avez une Xbox One, bah, c'est facile de pouvoir le reprendre sur la console directement. Ou vous pouvez le trouver d'occasion. Moi, j'avais retrouvé d'occasion à, je crois, 3€. Ça vaut. C'est ça, dans un cash converter, on trouve ça pour rien. Quoi. Et en plus, le rendu sur Xbox One ou même Xbox One X, bah, le jeu était un petit peu retravaillé, un petit peu retouché. Et donc, c'est hyper propre sur la console. Donc, moi, je vous encourage vraiment à rejouer à Crimson Skies. Concernant la musique, c'est l'œuvre de Stan Leopard, compositeur américain. Et j'étais surpris de voir qu'il avait beaucoup travaillé sur la série des Halo. À partir du 3, en fait. Ouais, il a travaillé sur la série en termes de sound design ou même sur quelques petits morceaux par-ci par-là. D'accord. Et il a bossé du 3 jusqu'au Reach. Et après, il a suivi Bungie sur Destiny. Mmh. Où il a bossé aussi sur le sound design. Et sur un grand jeu sorti sur Xbox 360 sur Uno. Uno! Et Uno sur Xbox 360, c'était super. Parce c'était super bien. On s'éclatait. J'avais joué avec toi, je crois, à l'époque, avec mais Xbox oui, Oxygen on et avait tout. Joué à Uno. Et par contre, il y a une fois, parce qu'on pouvait brancher sa caméra, et c'était un petit peu l'ancêtre de Chatroulette. Donc je m'étais retrouvé devant un Kiki une fois. C'était un peu perturbant. Donc voilà, un peu le risque. Mais Uno, c'était vachement bien. Et bah, c'est monsieur Stan Leopard qui avait fait la musique de Uno. Bravo, monsieur. Allez, je garde la parole et on va aller sur Wii, sur une belle exclusivité. Capcom sur Wii, on peut vraiment dire qu'ils ont quand même fait un petit peu d'effort. Ils ont proposé Okami, qui est quand même pour certains des meilleurs Zelda-like, même une meilleure Zelda, même pour certains. Faut peut-être pas abuser, mais en tout cas, Okami, c'était quand même très très bien. Ils ont fait Tatsunoko versus Capcom, et ils ont fait des Monster Hunter, et donc aussi Zakon Wiki et le trésor de Barbaros. Donc on est vraiment dans le délire des pirates. Alors chose rare, c'est un des jeux Capcom qui n'a pas été multi-adapté un peu partout. Donc il n'existe que sur Wii. C'est quand même étonnant. Ce qui est fou pour du Capcom, qui n'a pas eu un Zakon Wiki Master Version of the PS3 truc. Turbo Alpha. C'est vraiment étonnant. Et en plus, alors, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'il n'y a pas eu de suite ou de spin-off ou de choses adaptées sur téléphone ou je sais pas quoi. Parce que Zakon Wiki, c'était quand même plutôt sympathique. C'était une sorte de point and click un peu modernisé. Alors ce qui collait bien avec la jouabilité Wiimote, parce qu'on pouvait justement pointer là où devaient aller les personnages, il y avait quelques petits casse-têtes qui demandaient quelques mouvements de manette, Donc c'était relativement fluide, c'était très mignon, ouais, techniquement c'était plutôt chouette, et ça s'adaptait vraiment à tous les publics. Donc ça c'était intéressant, parce que même un jeune public, parce que généralement on disait, voilà, la Wii est très ciblée pour les... alors comment on appelait ça déjà, les casual gamers, voilà, on en parle un petit peu moins maintenant, mais voilà, pour les casus, ce gros mot ultime de l'époque de la Wii, eh ben, ils pouvaient vraiment découvrir un jeu qui était très mignon, très bien fait, on pouvait jouer un petit peu en famille comme ça, ou même... montrer ça à ses enfants pour leur apprendre à jouer un petit peu. Donc l'univers était très mignon, l'univers de pirate très coloré, et donc le but était de récupérer le squelette du pirate Barbaros pour pouvoir aller récupérer un trésor caché. Donc ambiance bon enfant, voilà, ça marche très très bien. Donc je vous conseille, si vous avez une Wii ou même une Wii U, parce qu'on peut on peut jouer à Zakenwiki aussi sur sa Wii U, mais comme vous n'avez pas de Wii U, ça ne sert à rien. mais en tout cas voilà, Zakenwiki, je vous le conseille, et donc malheureusement ça ne se joue que sur cette console là. Allez, je redonne la parole à Rhône sur un jeu que je ne connais absolument pas du tout. On vient de s'écouter un petit morceau qui vient de Flint Hook, un jeu indé qui est sorti en 2017 sur à peu près tous les supports. Alors c'est un jeu que j'ai testé hein, pour Xbox Engine, j'ai donc rédigé un test pour ce jeu. Et pour la petite histoire, c'est exactement le genre de jeu auquel je ne joue jamais. Puisqu'on est sur un jeu de type roguelike, de plateforme ultra compétitif, quoi. Très difficile. Et moi je suis pas assez fort pour ça, donc je mets une éternité à passer un niveau, c'est très très compliqué pour moi. J'étais censé tester un autre jeu, puis quand j'ai rentré le code dans la console, ben c'est pas le bon code qu'on a filé, c'est celui-là qui est arrivé. Ah les salauds. Et ouais, c'est un peu ça, et une fois le jeu chargé, ben, je fais merde, faut que je m'y colle. Et ça a été un test qui a été très très compliqué, parce que comme je dis, c'est un jeu qui est vraiment difficile, ce qui fait que j'ai vraiment mis mes des heures à arriver au niveau 3. Ah ouais, et il y en a 422. Ah putain, c'est ça, en fait. Bon, après, au bout d'un moment, j'avais commencé à mieux choper les mécanismes de jeu, j'ai avancé un petit peu plus vite. Mais ça a vraiment été très, très, très, très dur pour moi. Donc, c'est un jeu compliqué avec un pirate de l'espace, un peu comme Albator, qui se déplace avec un crochet, d'où son nom, Flint Hook. Et il s'avère que ce jeu, il est super bien, je dois dire. Autant c'est pas ma came particulièrement, autant je pense que tous ceux qui aiment les jeux de plateforme qui sont un peu en pixel art, qui sont souvent très difficiles, qui se jouent à un pixel de cul près, ils s'éclateront avec Flint Hook, qui est hyper dynamique, qui a pas mal d'idées dans ses level design, pas mal de variétés dans les ennemis, on arrive à pas s'ennuyer, et je me suis un peu fait prendre, parce que finalement ce type de jeu m'ennuie très très vite, et finalement, c'est avec plaisir que je suis allé jusqu'à rédiger le test de ce jeu, comme quoi, parfois la vie est bien faite, quoi. C'est beau. Alors on va continuer avec les petits jeux, avec un titre qu'on peut trouver actuellement sur le Game Pass, et autant vous le dire tout de suite, c'est pas un jeu incroyable, mais la musique est bien cool. Thank you. Alors donc on vient de s'entendre la musique de début de Edge of Booty, qui est un jeu franchement axé sur le multijoueur, hein, à plusieurs sur son canapé, où on dirige un bateau pirate et on doit consolider des comptoirs en allant tirer sur les autres bateaux pirates des copains. Et le premier qui arrive à casser le bateau des autres et à avoir ses villes, eh ben, a gagné. Et c'est un jeu qui s'avère être très marrant pendant au moins 12 minutes. Ah, super. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que après, au-delà, non, en fait. C'est ultra basique, c'est pas très intéressant, et ce malgré une ambiance plutôt réussie, et surtout cette musique d'intro qui fait que quand on lance le jeu, enfin moi c'est mon cas, je lançais le jeu et je laissais tourner la musique finalement, que je trouve très très cool. Alors le jeu est sur le Xbox Game Pass, donc c'est une bonne occasion de le charger pour écouter la musique. C'est bien ça, c'est pratique, c'est une bonne affaire. C'est quand même bien. Ça tombe bien, on n'a pas besoin d'acheter le jeu pour ça. Bon, enfin, en même temps, vous venez de l'entendre dans la Beatbox, donc c'est peut-être plus... Oui, je pense qu'elle se trouve autre part qu'elle sur le Game Pass, la musique. Voilà, c'est peut-être pas indispensable non plus. Donc bon, je continue là dans ma série du jour avec les jeux pas incroyables, mais avec des musiques bien cool quand même. Ouais, les pirates en jeu, c'est un peu de la merde. Hein. Si on écoute, Ron, en tout cas, ces jeux de pirates, c'est pas les jeux de l'amour. Hein. C'est un peu vrai. Allez, maintenant, on retourne dans la sélection de Creepers avec sans doute le jeu le plus original de toute la sélection. Ok. Eh bien oui, quelle série originale que celle des Assassin's Creed. Et là, bah, forcément, on s'attaque à l'épisode Black Flag, mais, ce n'est pas la version, on va dire, de base, c'est pas le Black Flag de base, le Assassin's Creed 4 qui avait un petit peu réveillé les gens, parce que clairement. Parce que, tiens, il y a des bateaux, ça marche plutôt bien, et voilà, et donc, en plus, il est venu plutôt, bah, j'allais dire rapidement, il y avait un par an, donc de toute façon, ouais. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à avoir un Assassin's Creed 3 bis, machin, comme ils ont fait avant, mais comme le 3 n'était pas hyper populaire, bah, directement, on est passé au 4, c'était assez surprenant, avec des pirates, donc vraiment un univers complètement différent, etc. Alors moi, je n'y ai pas joué du tout, à part un tout petit peu comme ça, en bateau, donc je vais faire un peu mon rôle, là, sur ce coup-là. Tu veux dire sur l'extension ou sur le jeu de base? Ah, aucun. Moi, j'avais vraiment lâché après avoir essayé le 3. Là, je dis, j'en peux plus. Voilà, j'en peux déjà plus des Assassin's Creed, je n'y arrive plus du tout. Et c'est vrai que le 4, moi, je le voyais de loin, parce que je trouvais ça plutôt joli, forcément, avec la mer des Caraïbes, c'était plutôt cool, avec les bateaux. Il y avait quand même 2-3 trucs que j'ai testé chez un ami pour voir un peu comment ça fonctionnait. Ouais. Et j'ai presque failli y jouer. Bah, moi, j'ai fait tout l'inverse, figure-toi. Moi, Assassin's Creed, c'est une série que j'aime, je joue pas du tout. Mm-hmm. J'ai vaguement joué à Assassin's Creed 2, voilà, c'est tout. Et ça m'a pas plu. Le 1, j'ai pas joué, le 2 non plus, le 3 non plus, donc... Et le 4, eh bien, j'y ai pas mal joué, à cause de son ambiance, que je trouve super bien réussi. Le fait d'avoir autant de phases de jeu à la fois en bateau ou même dans des ports, avec toute l'atmosphère qui va avec. Et les bars, tout ça. Ouais, il y a des bars. C'est important, oui. Mais je trouve que ça marche vraiment super bien. Et puis en plus, tu vas en parler, j'aime beaucoup les musiques qui ont été faites par Olivier de Rivière sur ce jeu. Bah, puis ce qui était sympa, c'est qu'il y avait aussi les fameux chants de pirates sur les bateaux. Ouais, c'est ça. Donc ils avaient vraiment travaillé l'ambiance pirate, ce qui était assez surprenant. En même temps, ils font quand même attention aux détails, qu'on aime ou pas leur jeu. Chez Ubi, il y a quand même des choses comme ça au niveau c'est des soigné, ambiances. Quand même, c'est quand même relativement soigné, comme tu dis. Donc voilà, il y avait de quoi trouver pour s'amuser sur Assassin's Creed Black Flag. Et ça avait vraiment remonté la réputation de la série. Et donc là, sur le jeu, vraiment de base, sur le 4 de base de Black Flag, c'est Brian Tyler qui a fait les musiques. Et donc sur l'extension qui s'appelle Le Prix de la Liberté, ce qui est intéressant, bon, je n'y ai pas joué encore une fois, mais ce qui est intéressant, c'est que moi ce que j'aime bien chez Ubi, c'est que des fois ils tentent quand même des petites choses pour se mettre un petit peu sur... Alors j'aime pas trop dire les trucs un peu politiques, etc. Mais en tout cas, il y a au niveau des univers, là ils tentent quelque chose au niveau... Il y a des thèmes en tout cas. Voilà, il y a des thèmes, et ce qui est dommage, c'est qu'ils ne les assument jamais. Là, il y a le cas sur Far Cry, par exemple, sur le nouveau qui est sorti, c'est qu'ils mettent des trucs un petit peu chauds ou qui tentent un petit peu en termes de narration, des choses intéressantes. Et sur Le Prix de la Liberté, bah, on est sur un Afro-Américain, je crois, qui est le second, justement, du capitaine Edward Kenway. Et donc, ça se passe 15 ans plus tard. Et donc, ça parle d'esclavagisme dans une époque un petit peu tourmentée. Donc, il y a quand même des trucs intéressants. Et là, c'est la musique d'Olivier de Rivière, hein, qu'on a écouté, justement, sur cette extension-là. Et je trouve qu'elle est un peu moins, justement, enjouée que celle du Black Flag originel et s'imprègne bien de cette ambiance un petit peu plus pesante. Et nous, on aime bien Olivier de Rivière dans la beatbox, que c'est un compositeur français vraiment de grand talent. Et là, passer derrière Brian Tyler, qui fait quelque chose de très très efficace hein, sur Black Flag, le jeu de base. C'est très bien. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Ouais. Donc, qui est lui un compositeur de cinéma de base, hein, Brian Tyler principalement. Et là, de Rivière, bah, je trouve qu'il s'approprie vraiment bien le truc et il livre vraiment une partition de très bonne qualité. L'extension dure à peu près 6 à 7 heures de jeu et voilà, c'est efficace, c'est très bien fait. Et justement, sur l'ensemble, moi j'ai écouté vraiment toute la BO pour préparer l'émission, et il y a vraiment quelque chose de différent qui ressort de cette composition de Rivière, et je vous conseille vraiment soit de jouer au jeu, parce qu'il a plutôt bonne réputation, voire tout simplement d'écouter la bande originale. Allez Moussaillon, on reste en bateau, et cette fois on part dans un jeu de baston, mais avec du pirate quand même. We'll be right back. Ah mon dieu, quel plaisir d'écouter la musique Bravely Folk Song de Soul Edge du personnage Cervantes. Voilà, j'adore cette musique. Je la trouve excellente. On a déjà diffusé du Soul Blade, du Soul Edge, hein, selon les versions que vous préférez. C'était sur PlayStation 1, on avait déjà diffusé l'intro qui envoyait le pâté. Mais là, cette musique de Cervantes, elle est vraiment folle. Et dès le début, j'adore la sonorité vraiment qu'on a au début, qui est très pirate, un petit peu pesant, qui décrit vraiment un petit peu le côté torturé du personnage. Et d'un seul coup, ça s'envole. Et c'est top, quoi. Quand t'es en train de te bastonner sur cette musique-là, avec ton ponton qui se balade à gauche, à droite, dans le jeu, ouais, c'est un jeu que j'avais adoré sur PS1, j'avais même préféré au Tekken, etc. Enfin, moi, c'est vraiment un très grand jeu de baston de l'époque de la PlayStation et de l'arcade. Donc voilà, c'était pour moi indispensable de diffuser cette musique de Soul Edge dans une spéciale pirate, parce que Cervantes, il a quand même une putain de classe, c'est avec clair. Ses double épées. Et malheureusement, je crois que je l'avais déjà dit la première fois qu'on avait discuté de Soul Edge, même si les musiques sont plutôt chouettes, des Soul Calibur sorties un petit peu après, bah je trouve qu'il y avait quand même une vraie patate dans les musiques des premiers du premier Soul Edge. En fait, moi je trouve que c'est plus brut de décoffrage dans Soul Edge, mais j'aime beaucoup Soul Calibur sur Dreamcast, qui avait un son en fait un peu différent. Mais qui marchait bien aussi, c'est différent, je dirais. Bah, il partait plus vers le symphonique, un peu plus épique, je trouve, dans Soul Calibur. Il y avait un côté, forcément. Mais je trouve que ça marche aussi. Oui, ça marche aussi pas mal, en fait. C'est pas pareil. Mais je dis ça en adorant les musiques de Soul Edge, en particulier celle-ci, que je trouve vraiment hyper dynamique. Et notamment, quand j'ai un peu travaillé ma sélection, je m'étais tâté à passer une musique. Le thème du squelette pirate de Killer Instinct. Oui, j'y ai pensé aussi. Mais bon, en fait, qui est pas terrible. Voilà. C'est pas la meilleure. C'est une bonne BO, mais c'est vrai que c'est pas la meilleure musique, la meilleure reprise, justement, par rapport... Même l'ancienne, je la trouve plutôt sympathique, mais elle se répète beaucoup. Et c'est vrai que même celle du remake est pas exceptionnelle. Ouais, c'est pas génial, et ça nous rappelle juste que... tu l'avais déjà dit dans notre spécial baston, que d'avoir une musique qui est rattachée à un personnage, d'avoir un thème identifiable, qu'est-ce que c'est bien. Ah, c'est vraiment bien, mais ça s'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup perdu. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai conclu ma sélection, puisqu'il reste encore une musique pour Rhône, avec une musique vraiment de haute, haute qualité, donc ça me fait plaisir, et j'espère que vous êtes fait plaisir, vous aussi. Alors, pour terminer, c'est vrai, j'avais envie d'un morceau bien laid-back. Ah, le laid-back dans ton bateau. Voilà. Là, je voulais vraiment me le garder, celui-là. Tu es bien, tu es tranquille. On vient de s'écouter un morceau qui s'appelle Peg Leg et qui vient de Tropico 2. Alors, Tropico, c'est une série que j'aime bien personnellement. C'est un jeu de gestion de gestion de république bananière, hein, où on joue donc le rôle de El Presidente, qui fait un petit peu tout pour, en gros, escroquer ses concitoyens en essayant d'éviter la révolution si possible. Et dans ce Tropico 2, l'action se déroule dans les Caraïbes et on est en plein justement dans cette ambiance pirate avec les comptoirs, avec les échanges commerciaux. Donc on est bien au niveau du sujet, en tout cas, ouf, j'ai eu chaud. Mais comme quoi, on est finalement sur un thème qui peut se décliner dans tout et n'importe quoi, puisque là on est quand même dans le jeu de gestion. Ce qui est un petit peu éloigné hein, des bastons en bateau ou des bastons tout court, comme nous a montré Creepers juste avant. Alors, la musique qui accompagne le jeu vient d'un compositeur qui s'appelle Daniel Hindart et qui a sorti un album sur Tropico 2 qui est hyper efficace et assez varié. Alors, c'est un titre qui manie pas mal l'humour, cette série, et la musique est à ce niveau-là, avec pas mal de morceaux qui respirent la bonne humeur, mais en même temps, la décontraction, le gros joint, probablement... Ah, c'est layback quoi, tu vois. C'est vraiment très très layback Tropico 2. Et je trouve que c'est une bonne façon d'être bien à la cool pour terminer cette émission qui était quand même sur un thème un petit peu violent à la base. Ouais, mais ça reste cool les pirates. Mais ça reste cool les pirates. Voilà, bah dis donc, on vient de terminer Creepers, ça y est. Bah oui. Je suis là avec mon verre de rhum, prêt à terminer, prêt à finir. On est plutôt posé, en plus avec ta musique un peu layback, je veux dire, t'as envie de naviguer, de voguer, comme ça, tranquillement, vers le coucher de soleil. Je sais pas ce que t'en penses, mais on est plutôt posé. Ouais, je crois que c'est ce qu'on va faire. Hein, on va lever l'ancre, et je pense qu'on va partir à 45 degrés à bâbord, là-bas, près de l'île au crâne. On se dit au mois prochain pour une nouvelle émission. Ouais, un truc, on sait pas quoi, mais on s'en fout, parce qu'on est bien. On se laisse aller dans le bateau, tranquille. À bâbord, et parce qu'on aime le rhum. À tribord, on est près des bars, on va d'île en île, tranquillement, et tant qu'on peut trouver des trésors de musique, eh ben, je vais vous dire, on n'a pas fini d'en parler. C'était super beau, on va rester là-dessus. Salut les gars, à la prochaine. Ciao.